L'affût par Ben Ames Williams. Il se dénommait Walter Figg, mais la plupart des gens l'appelaient Wall. Il vivait dans une antique ferme d'un gris indélébile patiné par les intempéries. Le faîte du toit fléchissait comme l'échine d'un cheval encellé, et ses échandoles ondulaient et s'écaillaient de vitesse. Avec Wall habitaient sa femme et le fils de celle-ci, né d'un premier lit, Joel Hartney. La bâtisse était le point terminus d'un chemin écarté qui desservait la lisière nord-ouest du Grand Marais. Le Grand Marais est une création artificielle. Un parage de moulins retient la rivière d'évacuation d'un étang, le Loon Pond, de sorte que les eaux ont recouvert la campagne sur une dizaine de kilomètres en direction nord-sud et sur deux en est-ouest. Mis à part l'ancien cours de la rivière, le niveau de l'eau n'est guère à plus de quelques centimètres au-dessus des anciennes prairies. Dans ces bas-fonds, les herbes aquatiques poussent à foison. Les canards sauvages noirs aiment particulièrement à nicher le long du courant, et au début de l'automne s'y rassemblent en grand nombre. Les racines de ces plants des marécages constituent alors pour eux le meilleur de leur nourriture. Là où jadis courait la rivière, l'eau est profonde d'environ 2 mètres, et l'on peut y naviguer en canot sans déplaisir. Mais ailleurs, l'on passe à pied, à condition d'avoir des bottes de caoutchouc et le cœur bien accroché. Ça et là, il arrive qu'on tombe dans des trous perfides et qu'on marche à l'aveuglette sur un tapis de racines qui fait éponge sous le pied. Et quand les eaux sont basses, des bancs de boue se découvrent, dans lesquels l'homme qui s'y aventure peut s'enfoncer jusqu'à la ceinture et barboter pour son plus grand âme. Une fois construit le barrage du moulin, les eaux noyèrent les quelques bosquets d'aunes qui clairsemaient les prés. Gel, pluie, neige et vent ont dépouillé ces arbres des fins de leurs feuilles, de leur écorce et de leurs rameaux, et donné à leur squelette la couleur des ossements humains. Les souches dressent hors du marécage leurs formes grises et lugubres et résistent obstinément aux continuelles attaques des éléments. C'est sur la carcasse d'un de ces bouquets d'aunes qu'un mois plus tôt, Dan Mills et moi, avions construit, non sans peine, notre abri pour la chasse aux canards. Avec des perches en érable que nous avions amenées de la terre ferme la plus proche, à 800 mètres de là, nous avions édifié un banc au ras du plan d'eau et au-dessus de lui, un échafaudage recouvert d'une sorte de toiture à angle aigu faite de bois mort glané aux alentours. Le bois d'aune, bien que cassant, est très résistant. Et l'écran, ainsi constitué, quand nous étions sous l'abri, dissimulait suffisamment nos silhouettes pour peu que nous demeurions assis dans une immobilité complète, sans pour autant nous empêcher de faire le guet par ses nombreuses ouvertures. Notre choix s'était porté sur l'endroit, car il permettait de surveiller une petite poche peu profonde peuplée par une colonie de nénuphars et formée par le méandre d'un affluent de l'ex-rivière. Nous comptions sur une demi-douzaine d'appôts en bois et sur une paire d'aplans pour attirer le gibier dans notre champ de tir. Dans l'état du Maine, la chasse aux canards s'ouvre le 16 septembre. Mais comme, cette année-là, le 16 tombait un dimanche, jour où il était défendu de prendre un fusil en main, on avait repoussé l'ouverture au matin du 17. Or, le canard sauvage, instruit par une dure expérience, ne vole que très tôt et très tard dans la journée. Aussi avions-nous décidé de nous trouver à pied d'œuvre en notre canardière dès avant l'aube. Et voilà pourquoi nous voulions passer la nuit du 16 au 17 à la Belle Étoile, le plus près possible du lieu de nos futurs exploits, rouler dans une couverture à même le sol ferme et, à la première heure, traverser le marais à pied jusqu'à l'abri. Dan connaissait la région mieux que moi et disait que nous pourrions sans encombre aller en voiture à la ferme de Wolfig et de là, traverser son pâturage et atteindre la lisière de son bois, lequel bordait le marécage. Cet après-midi du 16, le ciel était couvert et un vent d'est apportait avec lui la promesse d'une pluie. Quand nous quittâmes la grande route pour le chemin verdoyant qui menait chez Fig, le paysage disparut derrière un épais rideau d'aune dont les branches venaient fouetter les deux flancs de la voiture et parfois se rejoignaient en tonnelle par-dessus nos têtes. De temps à autre, les gouttelettes de buée se condensaient sur le pare-brise à la traversée d'un courant atmosphérique plus chaud. À un moment donné, un lapin émergea des fourrés et se mit à bondir désespérément sur la route à une trentaine de mètres devant nous. Puis, après un brusque écart, disparut derrière les aunes. Nous passâmes une ferme abandonnée au milieu d'une clairière qui coupait la file des arbres sur la droite du chemin. Des planches en croix barricadaient les fenêtres comme les paupières fermées sur les yeux d'un mort. Dan et moi poursuivions notre route en silence, aussi oppressés l'un que l'autre par la grisaille de cet humide après-midi. Fick ne verra-t-il pas d'un mauvais œil que nous roulions sur ces terres ? Demandai-je pour dire quelque chose. Dan secoua la tête. Wall cultive guère, vous savez, expliqua-t-il. C'est point un grand travailleur. Il préfère battre la campagne avec son fusil, même qu'aujourd'hui, jour du sabbat, il doit y être encore. Le beau-fils, il vient quelquefois au magasin. Un infirme, comme qui dirait. On ne voit pas un chat dans ce coin, commentai-je, et Dan approuva du chef. Ils n'ont pas mis le nez dehors pendant tout un mois, le dernier hiver, reprit-il, cause que la neige était si haute. J'aimerais point être bouclé ce temps-là avec le Wall. Pourquoi donc ? Questionnai-je, mais Dan ne put répondre, car nous venions de virer à l'angle d'un mur de pierre et débouchions dans la cour de la ferme. Wall se trouvait devant nous. Je fus un peu surpris de constater qu'il avait l'air vaillant, cordial, avenant. Au bonjour que lui lança Dan, il répondit par un geste aimable et un sourire de bon aloi. Je coupai les gaz et nous descendîmes de la voiture. Dan dit à Fick qui j'étais, et celui-ci me donna une vigoureuse poignée de main. « Nous avons monté une canardière par là-bas derrière, » lui expliqua Dan. « Mais l'eau a baissé si tôt qu'on ne peut plus y aller en canot. On a l'intention de dormir dehors cette nuit, en bord de vos prés, si vous y voyez point d'inconvénient. »« Pour sûr, si c'est votre idée, » répondit l'autre avec gentillesse. Puis il ajouta, « Et pourquoi vous coucheriez pas dans la grange ? Il y aura de la pluie dans la nuit. »« Alors on dormira sous la bagnole, » fit Dan. On a pris ce qu'il faut, toile de caoutchouc et tout. Et de lui demander, « Vous avez-y essayé votre flingue sur les bestioles ?» Une femme était sortie de la maison et lorgnait dans notre direction. Je notais son allure fatiguée, la rondeur de son dos, la maigreur squelettique de son corps. Ses cheveux tirés en arrière et rassemblés sur sa nuque faisaient paraître encore plus grand et plus pâle son front. Elle demeura immobile un moment, appela son mari d'une voix sourde. Mais l'homme n'y prêta pas la moindre attention. Ce que voyant, elle traversa la cour, s'enfuit vers la resserre à bois et prit une brassée de bûches amoncelée non loin de là. Il émanait de sa démarche une curieuse sensation de vigueur et de résistance, si bien que je ne la quittais pas des yeux avant de l'avoir réintégrée à la cuisine et ne reportai qu'alors mon attention sur Dan et Fick, lesquels discutaient des perspectives prochaines de la chasse aux canards sauvages. Mais bientôt, un jeune homme sortit de la maison et Dan me dit que c'est Joel Hartney, le beau-fils. Il paraissait âgé d'une vingtaine d'années. Ses yeux rouges ajoutaient à sa maigreur et à sa mine lasse. Sur ses épaules voûtées flottait un vieux sweater d'un bleu passé. Un sweater d'un bleu désespérément pâle, qui semblait symboliser et résumer l'état d'âme de son propriétaire. Joel s'était approché de Fick par derrière et l'autre, se rendant compte de sa présence, se tourna et lui dit à voix lente, « Je t'avions dit de rentrer cette pile de bois avant qu'elle se mouille. » Le jeune homme, après un coup d'œil furtif à son beau-père, murmura, « J'ai pas pu, ça allait pas. »« T'es toujours malade quand il y a du travail à finir, » commenta sévèrement Fick, et sans autre avertissement, il administra un brusque coup de pied à Joël, qui atteint au bas de la jambe, vacilla et manqua de tomber. « Rentre cette pile de bois que je te dis !» ordonna Fick. Obtempérant sans mot dire, Joël boitit en direction de la pile de bûches et avec un manque d'enthousiasme évident, se mit à les jeter dans la resserre. « Les fainéants comme une couleuvre !» nous lança Fick en manière de commentaire. « Rien n'a tiré de lui la moitié du temps. Pourtant, la mère est une travailleuse. » J'aperçus vaguement le visage de la femme derrière la vitre de la cuisine. Elle avait dû observer la scène et se déroba sitôt qu'elle vit mon regard. Dan démonta la clé qui barrait l'accès au pâturage, la remit sitôt que j'eus fait passer la voiture et reprit place à mon côté. Nous poursuivîmes notre chemin en silence sur le gazon, en le voyant parmi les roches erratiques, jusqu'à ce que Dan m'indiqua de l'index un bouqueteau de sapins situé à l'extrémité inférieure des prés et me conseilla de mettre le cap sur eux. « Ils pourront nous servir d'abri en cas de pluie, » expliqua-t-il. « Et puis ils sont pas loin de ce buisson de jeunes bouleaux que j'ai pris comme repère pour trouver notre chemin dans le marais. » « Est-ce que Fick a chassé ? » manquai-je. « Il a dit qu'il se mettait en route sur l'heure, » répliqua Dan. « Commence par faire chanter un peu ses appos d'ordinaire. »« Faut dire qu'il est bon fusil, le Wall. Probable qu'il fera son premier canard à la nuit. »« Pas très sympathique, hein, le bonhomme, » insinuai-je. « Un sale type, » déclara Dan sans embâge. « Je crois bien qu'il a toujours maltraité le Joël. Si vous m'en croyez, la femme était plutôt jolie au temps de leur mariage. » « Ça ne se voit plus, » remarquai-je. Il hocha la tête en signe d'assentiment. « Vous l'avez dit. » Et il ajouta, après une pause, « Elle était de bonne famille, mais voilà, elle a marié Wolfic. » Nous atteignîmes les sapins et rangeâmes la voiture sous leurs branches, après quoi nous étalâmes nos toiles imperméables afin de gîter pour la nuit. Presque aussitôt, nous aperçûmes Fick qui descendait la prairie en diagonale, un fusil sous le bras. Il s'arrêta pour nous parler, l'air fort amusé de nous voir réaliser la folle idée de coucher à même le sol, alors qu'il nous avait offert de dormir dans son fenil. « Avant les 9 heures, vous serez chercher un abri, » prédit-il, « tout comme des rats, en cas d'inondation. » « Laissez-nous tout de même un ou deux canards, » cria Dan, tandis que l'autre s'éloignait parmi les jeunes bouleaux. Et Fig, au moment de disparaître, tourna légèrement la tête et grimaça un sourire à notre intention. Quelques minutes plus tard, alors que nous étalions des branchages en guise de matelas, le jeune Joël descendit la colline avec nonchalance, une badine à la main. « Vous avez point vu les vaches ?» nous demanda-t-il sans conviction. « Sont point rentrées ce soir ?»« Non, pas vu, » répondit Dan. Le garçon ne semblait guère pressé de poursuivre ses recherches. « Comment se fait-il que vous ne soyez pas au canard, vous aussi » manquis-je. « C'est pas mon fort, » répartit Joël. « D'ailleurs, il me faut traire les vaches. » Il s'assit, suivi d'un regard passif, la suite de nos opérations. Finalement, Dan et lui commencèrent à parler de choses et d'autres. Tout dans sa personne trahissait une lassitude sans espoir et la tragique dignité d'un être qui se résigne aux perspectives étroites d'une vie bornée. La vieille ferme, misérable, adossée à l'autre versant de la colline, les quelques arpents d'une terre jonchée de roches, la mélancolie du marais qui bornait le patrimoine familial. Je me demandais si sa mère prenait sa défense et si, dans l'affirmative, cela pouvait avoir des résultats positifs, car le malheureux paraissait privé d'intelligence et d'énergie. Toujours flottant dans son vieux sweater bleu, il se remit à suivre la pente de la colline dans la direction qu'avait suivi son beau-père. Nous avions fait en sorte de nous trouver en ce lieu assez tôt pour avoir pris toutes nos dispositions contre le mauvais temps avant la nuit. Maintenant, le coucher du soleil devait être imminent, à en juger par l'obscurité grandissante, encore que des bancs de brouillard s'interposassent entre l'astre et nous. Nous nous hâtions de manger les sandwichs que nous avions apportés et de boire le café contenu dans une bouteille thermos, quand Dan s'écria brusquement « Écoutez !» Et nous perçûmes un sifflement d'ailes très haut sur nos têtes, des canards s'en venaient à mérir sur le marécage. À 2 reprises, nous entendîmes un fusil aboyer. « C'est Wall, point son habitude d'en rater, » fit Dan. Dans la grisaille du crépuscule s'estompaient les silhouettes des bouleaux, se fondaient la craie de la colline, dont une verrue dissimulait la ferme à notre vue. Nous terminâmes notre souper et nos pipes se mirent à rougir. « Nous ferions bien de partir à 4h30, » suggérai-je. « Plutôt, mes avis, » répondit Dan. « Faut qu'on soit là-bas à cette heure. Et il y a tout le fourbi à transporter, fusil, à peau et le reste, et la nourriture. Nous pourrions laisser ici ce qui est à manger, » proposai-je, « et revenir de la matinée. » Il fut de cet avis. Nous décidâmes de nous lever à 4h. « Je me réveillerai sans faute. Soyez tranquille, » m'assura-t-il. Il faisait quasiment noir, hormis une pâle lueur dans un coin du ciel. Dan consulta sa montre bracelet. « 6h20. Sur Wall a dû s'arrêter. On y voit goutte pour ce qui est de tirer. » Mais ces mots à peine prononcés, 2 détonations retentirent, coup sur coup. « C'est lui, » gloussa-t-il, « et là, t'es probable. 2 cartouches si vite, vous pourrez parier que l'homme a fait chou blanc. « Comment pourrait-il voir un canard dans ce four ?» commentai-je. « Il va sûrement repasser par ici, » prophétisa mon compagnon. « Je vais le blaguer là-dessus. » Il commença alors à pleuvoir. Une onde est fine comme à la pomme d'arrosoir, qui dégénéra en déluge et se poursuivit une demi-heure environ. De nombreux autres devaient suivre toute la nuit durant. Force nous fut donc de nous transporter à l'abri avec nos couvertures. Seules nos pipes brillaient dans les ténèbres. Nous attendîmes Wall, mais il ne retourna pas chez lui par ce côté. Pour finir, nous nous endormîmes. Dan me réveilla en me secouant la tête. Il faisait nuit noire, mais il me parla à voix basse, comme les gens ont l'habitude de faire avant l'aurore. « Hé, les 4h-5 !» Je perçus le bruit de la pluie qui clapotait sur la carrosserie de la voiture au-dessus de nous et dégouttait les arbres alentour. Nous étions étendus bien au chaud et au sec, et la perspective d'en sortir ne me sourit guère. « Je me demande si j'ai envie de tirer le canard, » grognai-je. Dan se prit à rire, alluma la lampe électrique et récupéra la bouteille thermos. Une tasse de café brûlant me réconcilia avec l'idée de me mettre sur pied. Nous mangeâmes et bûmes, et après avoir mis nos bottes et notre ciré, nous nous levâmes dans la pluie. Pas la moindre lueur en direction de l'est. Aussi demandai-je à Dan si sa montre ne battait pas la breloque. « Le soleil se lève à 5h20, répliqua-t-il, dans une grande heure. Faut pas compter voir le jour avant les 5 coups de ce temps. Nous nous partageâmes le matériel à transporter au poste de guet. Je pris en bandoulière la demi-douzaine de simili canards en bois et à la main mon fusil et la boîte à munitions. Dan fourra les 2 canards vivants dans un sac de maïs et ouvrit la marche. Quand nous émergeâmes du bouquet de sapin, ce fut pour constater que la pluie avait momentanément cessé, mais le gazon, les tiges de graminées jusqu'à la moindre brindille étaient si chargés d'eau que nous nagions plutôt qu'autre chose. Ayant laissé notre lanterne au camp, nos yeux s'accoutumèrent à l'obscurité à mesure que nous frayions notre voie parmi les bouleaux dont les rameaux fouettaient nos visages et piquaient nos paupières. Devant moi, Dan se fiait autant à son instinct qu'à sa science des lieux pour choisir notre chemin. Dès que nous eûmes parcouru peut-être 400 mètres, il se rabattit sur la gauche et pénétra dans un enchevêtrement d'aunes et de broussailles mortes. À sentir le sol plus moelleux sous mon pied, je compris que nous avions mis le cap sur le marais. Pendant 40 mètres, il nous fallut batailler pour avancer à travers cette jungle en miniature. Les appos s'y prenaient à chaque instant, leurs ancres s'y accrochaient et me faisaient trébucher. Quand nous débouchâmes enfin sur le tapis herbeux du marais lui-même, j'en ressentis une sorte de délivrance. Sous mon ciré, je bouillais littéralement et mon cœur cogna à se rompre. Nous fîmes halte. « Allez-y doucement maintenant, » me conseilla Dan. « Vous avez tout votre temps. C'est le bon chemin. La canardière est plus très loin. » Il ne faisait pas ses jours pour voir au-delà de quelques pas. N'empêche que Dan était sûr de lui. Notre marche devint terriblement malaisée. Le sol était si spongieux que nous enfoncions de 15 centimètres ou davantage à chaque enjambée. Nos chaussures se prenaient dans la couche hostile des herbes mortes, tandis que des tiges dures nous étriaient jusqu'à la poitrine. Il fallait lever très haut le pied avant de le reposer. Impossible de forcer l'allure, faire seulement un pas était toute une histoire. Puis Dan eut à soutenir quelques difficultés supplémentaires. Son poids lui fit percer le tapis de racines, et l'enfonça jusqu'aux genoux dans la fange avant de trouver un fond plus portant. Le bourbier faisant ventoux sur ses semelles, je dus le soulager de son fardeau, afin qu'il fasse marche arrière tant bien que mal, et s'assure des assises moins traîtresses. Il nous fallut faire un détour avant de reprendre notre direction. Surpris, un rat musqué me joua le mauvais tour en s'enfuyant de remplir ma botte droite d'eau saumâtre. Je tombai. Les appos me heurtèrent durement l'échine. Chargés comme nous l'étions et gênés par nos cirés pesants, chaque mouvement s'exécutait avec une lenteur et une lourdeur qui ne payaient pas la dépense extraordinaire d'énergie que nous lui consacrions. Il nous advint, au cours de cette pénible aventure, de faire lever une paire de canards gités dans les herbes, quelque part sur la droite. Nous entendîmes le bruissement de leur envol sans parvenir à les voir. Un bas crachin nous rafraîchit l'espace d'un moment, puis s'arrêta, et nous recommençâmes à étouffer de chaleur. Le fond du marécage suçait nos semelles, cédait à notre passage, s'agriffait à nous, entravait nos efforts à l'extrême. Finalement, en coupant par une zone touffue de massettes ou de crochus branchages morts déposés par les eaux, guettait notre passage pour agripper nos chaussures, nous parvînmes au bord du paresseux petit affluent de l'ex-rivière et le suivîmes jusqu'à notre canardière. Je mis à l'eau les appos de bois tandis que Dan attachait les appelants. Puis nous gagnâmes nos sièges avec un ineffable soulagement. Il était plus de 5 heures, on y voyait tout juste. La pluie mouchetait la surface de l'onde, s'endormait un instant, puis reprenait de plus belle. L'eau s'écoulait goutte à goutte par le rebord de nos couvre-chefs, imbibait les poignets de nos manches, se rassemblait dans les plis de nos pantalons. Jusqu'à mi-chemin du genou, nos bottes plongeaient dans une sorte de gadou fluide et brune, de même consistance qu'une crème au chocolat chaude et d'une couleur analogue. Je n'avais vu le lieu qu'en plein midi et par beau temps. La pluie et l'obscurité brumeuse du petit matin oppressaient mes esprits. Dan avait sa gourde, nous bûmes un coup. Mais à cause de ses efforts démesurés, je demeurais frissonnant et glacé. Je me mis à claquer les dents et pour m'arrêter, dus serrer les mâchoires. « Dirait qu'il va pleuvoir, » lança Dan, histoire de plaisanter. « Je me demande, » répliquai-je, « si nous sommes des idiots ou des braves. » « Les canards ne vont pas tarder, » me rappela-t-il, et pendant un moment, nous restâmes sur le qui-vive, l'œil vigilant, nous efforçant de percer le brouillard qui obscurcissait jusqu'aux contours les plus proches. Je repensais à Wolfig, qui s'était trouvé dans les parages jusqu'à la nuit noire, le soir précédent, quand la première grosse pluie avait commencé. « Bizarre que Fick ne soit pas repassé de notre côté, » remarquai-je à voix haute. Dan approuva de la tête. « Je m'étais dit qu'il reviendrait nous voir, rien que pour nous faire marcher un peu, » reconnut mon compagnon. « Mais vu la saucée, il a dû couper au plus court et rentrer dardard. » Hypothèse la plus probable. Je me demandais si la douche l'avait fait réintégrer ses pénates de mauvaise humeur et s'il avait administré à son beau-fils quelques nouveaux coups durs dans les tibias. Et je me mis à imaginer ce que devait être la vie d'une famille comme celle-là, dans cette ferme à l'écart, et les relations entre Fick, sa femme et le jeune Joël. Mon antipathie pour Wall ne fit que s'accroître d'autant. Nul doute, pensais-je, qu'il fasse souffrir sa malheureuse femme et l'accable de travail. Elle était d'une bonne famille, mais avait eu le tort de semer alliés. Un canard solitaire passa à faible altitude sur l'autre rive du marécage sans la moindre attention pour nos appos. J'actionnai l'appareil à imiter le cri de l'oiseau. Pris de panique, il tournoya et s'enfuit à tire-d'aile. Un héron bleu s'approcha de nous en un vol lourd et molle. Quand il eut atterri, à 100 mètres en aval du ruisseau affluent, seuls demeurèrent visibles au-dessus des herbes sa tête mince et son col rigide. Le vent poussa vers nous des petites rafales de pluie et de légers bancs de brume au ras de l'eau, ce qui réchauffa l'atmosphère et fit fumer le marais. Mais de temps à autre, passèrent encore des bourrasques mortellement fraîches qui nous firent frissonner. Puis, deux canards surgirent au-dessus de nos têtes, décrivirent un cercle et se laissèrent tomber derrière notre abri à une centaine de mètres. Nous demeurâmes assis sans bouger, hors nos regards qui ne les quittèrent pas. Mais quand ils se furent posés, Dan se leva. « Pouvons y aller, » fit-il d'une voix brève. « C'est du tout cuit. » Entre eux et nous se dressait un ovale de massettes plein de brindilles mortes, et où des rats musqués, presque en son centre, avaient bâti leur hutte de boue séchée. Nous procédions avec lenteur, péniblement, en évitant de faire du bruit, autant que la chose fût possible. Chacun de nous deux avait emprunté l'itinéraire qui lui semblait le meilleur, et c'est pourquoi il se trouva que nous étions séparés par un espace de 10 à 12 mètres lorsque je tombai sur le corps. Il gisait, face contre terre, en travers d'une vieille souche, comme si on l'y eût jeté. Il gisait là, flasque et mouillé et souillé de boue, et je sus tout de suite que c'était le corps de Wolfig, et je sus sans l'ombre d'un doute que Fig avait cessé de vivre. Après une minute d'horreur totale, j'appelai d'une voix étranglée, et dans le moment même où Dan me répondit, je vis le canard que nous pistions prendre son essor. Dan fit feu, mais l'oiseau se trouvait beaucoup trop loin. « Qu'est-ce qu'il y a ?» me cria mon compagnon. « Venez !» lançai-je d'un ton mal assuré. « Quoi qu'il y a ?» reprit-il. Et je lui réponds, « Fick est ici, mort !» Il arriva le plus vite qu'il put à mes côtés, et nous demeurâmes là, immobiles, les yeux baissés sur le cadavre affalé dans les branchages et dans l'indécision la plus totale. Ce fut Dan qui se pencha pour l'examiner de plus près. Dan qui souleva l'un de ses bras ballants, et Dan encore qui désigna de l'index le fusil à demi enfoui dans l'enchevêtrement des herbes mortes et des bouts de bois secs, un peu plus loin, en avant du corps. Il poursuivait son enquête sans se hâter, et je le regardais faire. Et brusquement je me dis que la triste fin de Fick serait pour sa femme et son beau-fils une sorte de délivrance. « Voyez pas ce qui est arrivé ?» me demanda finalement Dan. « Non, » avouai-je en secouant la tête. « Quoi donc ?»« La mille pieds dans un trou de rat musqué. » Je suivis son geste et constatai qu'une jambe de Fick était effectivement enfoncée dans le marais. « Ce qui l'a fait basculer tête la première, » m'expliqua Dan. « Il va avoir son fusil à la main, mais sans le cran de sûreté, et quand il a chu, une baguette de bois mort s'est possiblement coincée dans le pontet et elle a dû pousser sur la détente. La charge l'a touché en plein, comme qui dirait. « Elle l'a étendu raide, » commentai-je. Et Dan approuva d'un hochement de tête. « Raide, point de doute. Il ne reste plus qu'à aller chercher du secours, je crois, un docteur. « Mais avis que vous avez raison, » fit Dan. « Ça a dû être un des coups de feu que nous avons entendus. » suggérai-je au bout d'un moment, et Dan branla à nouveau du chef en manière d'approbation. « Pour sûr, » renchérit-il, « l'endroit est pas bien loin d'où on a campé, en ligne droite. »« Ça s'est produit peu avant la pluie, » le rappelai-je. « Vous souvenez-vous, nous avons entendu un doublé. »« Un doublé ?» Le ton de Dan trahit une légère surprise. « C'est vrai, oui, on a entendu deux coups, coup sur coup. » les deux charges de son fusil, remarquai-je. Dan scruta du regard l'arbre de figues. Le bout de bois se trouvait encore fiché dans le pontet. Il n'a point pu pousser sur les deux détentes, fit-il pensivement. Sur ce, il s'arrêta net, ramassa le fusil, ouvrit la culasse, et resta bouche bée à contempler les douilles. Je me penchai sur son épaule et constatai que seule la cartouche du canon droit avait été tirée. Nos yeux se rencontrèrent, mais nous ne prononçâmes aucune parole. Mon cœur se mit à battre très vite. Dan ferma la culasse et reposa le fusil là où il se trouvait auparavant. « Ça, c'est drôle, » dit-il après mûre réflexion. « Je n'ai pas entendu d'autres détonations après ce doublé, » insistai-je. Il s'agenouilla, souleva légèrement le cadavre et examina la patine de la souche sur laquelle Fix s'était abattu dans sa chute. « L'écorce est bougrement sèche, » déclara-t-il. « La pluie s'est mise à tomber à seau tout de suite après le doublé, » ajoutai-je. « Le malheur s'est donc produit avant cette averse, » admit Dan. Nous commençâmes à battre les alentours immédiats, sans nous être consultés à la recherche d'une éventuelle piste dans le maquis des massettes et des bois morts. Mais il était tombé bien plus d'eau qu'il n'en fallait pour noyer toute trace. On ne pouvait même pas dire avec certitude par quelle direction Fick était arrivé là. Dan s'en éloigna plus que moi et s'affaira du côté du boqueteau de bouleau vers la rive du marécage. Au bout d'un moment, il rebroussa chemin et vint à moi. « Il y a tout juste 40 mètres d'ici à la terre ferme, » observa-t-il, « et il y a une espèce de haut fond qui rend le passage fort aisé. »« Et voilà du nouveau, » lui dis-je en m'expliquant d'un geste. Fix s'était écroulé sous la lisière même d'un amoncellement de branchages morts. L'un d'eux, qui se dressait de biais et semblait le désigner, était plus grand que les autres. Presque à son extrémité supérieure, située à 40 ou 50 centimètres de plus qu'une hauteur d'homme, on pouvait voir une balafre au bord déchiqueté dont l'entaille, à coup sûr, était toute fraîche. Dan et moi étions des connaisseurs, autant l'un que l'autre, quant aux effets du plomb de chasse sur le bois. Mon compagnon considéra pensivement l'écorchure, puis son regard retourna se poser sur le cadavre et l'arme. « Sûr que c'est la cartouche de son flingue. Elle a bien failli couper tout net ce chicot. »« C'est en tombant, » dis-je en manière d'accord, et Dan reprit dans un souffle. « Quoi donc a pu le faire tomber, le wall ?»« Ce trou de rat musqué. »« Ou bien autre chose ?» rectifia Dan en jetant un coup d'œil circulaire. Une demi-douzaine de canards qui tournoyaient au-dessus de nous prirent peur à voir remuer sa tête, montèrent dans le ciel et s'enfuirent sans être inquiétés. Il faisait tout à fait jour maintenant et le vent fraîchit. Je me dis que le froid n'était plus loin. Le visage de Dan avait retrouvé son immobilité et je suivis la direction de son regard. Et je vis un peu plus bas, sur le rameau de bois mort atteint par la décharge, un de ces ergots très courts auxquels s'accrochent les vêtements et qui coupent l'élan du passant et le font jurer. Piqué sur la pointe de l'ergot, j'aperçus le petit bout de fil effrangé qui avait requis l'attention de Dan. La pluie l'avait trempé. Néanmoins, on pouvait dire, sans aucun doute possible, qu'il s'agissait d'un fil de coton bleu passé, matériau qui sert souvent à la fabrication des sweaters de très mauvaise qualité. Des sweaters pareils à celui que portait Joël Hartney, par exemple. Nos regards se rencontrèrent et nous demeurâmes silencieux quelque temps. Puis, Dan se mit à rire d'un rire faux et nerveux. « Vous êtes tout blanc, parole. » Je dus mentir. « C'est rien, j'ai froid. » Il sortit sa gourde, nous bûmes une lampée et il remit son cordial dans sa poche. « Ma foi, » dit-il. « J'imagine que Fick n'a jamais rien fait d'autre que de lui administrer des coups de pied, » remarquai-je. Ma voix tremblait. « Il en a fait voir des vertes et des pas mûres, » déclara Dan, et il ajouta. « Le Joël, c'est un bon gosse. » Nous regardâmes encore le fil de coton révélateur. Après quoi, d'une main décidée, Dan l'arracha de l'ergot, le posa dans sa paume et me lança une interrogation silencieuse. Je fis un pas en avant, me penchai, et d'un geste vif, brisai le rameau sec à sa base invisible dans la boue du marais. « Je vais le mettre sur la canardière. » expliquai-je à Dan. Le toit n'est pas très étanche. Il servira à cacher les plus gros trous. Et comme ça, il n'y aura rien d'étonnant qu'il ait reçu une décharge. Ça aurait pu être vous ou moi qui l'aurait tiré. Mon compagnon avait fait une boulette de fil de coton bleu passé en le roulant entre ses paumes. Et tandis que je faisais demi-tour, il la laissa tomber, l'écrasa de sa botte dans la fange stagnante et me suivit jusqu'à notre poste de guet. Faudrait bien qu'on aille la faire demander un coup de main au Joël, suggéra-t-il. « Mieux vaudrait qu'un de nous reste ici, en attendant l'autre, » proposai-je. Nous considérâmes la question tout en faisant retour à l'endroit où gisait le cadavre. Ni Dan ni moi n'avions guère envie de rester auprès de lui. Aussi éprouvai-je un grand soulagement quand mon compagnon décida d'assumer ce devoir. Il m'indiqua la route à suivre. « Traversez ici, me conseilla-t-il, jusqu'à temps que vous trouverez la terre ferme. Ça vous amènera droit sur les bouleaux. Et de là, coupez tout net en direction du pré. Vous tomberez sur la ferme. » « Il va falloir que je leur annonce notre découverte, » demandai-je à Dan autant qu'à moi-même. Il fit oui de la tête. « Peut-être que vous pourriez revenir avec l'auto. » Mais il repoussa lui-même sa suggestion. « Que non, pas la peine. Faudrait que vous rapportiez quelque chose avec le Joël pour transporter Wall, et on le ramènera dessus. » On dirait qu'il a mis le pied dans un trou de rat musqué et que son fusil est parti tout seul, comme qui dirait. « D'accord, » fis-je, et je tournai les talons pendant que Dan allumait sa pipe. Une nouvelle ondée assaillit la campagne. Je regardai Dan une dernière fois. Il s'était assis sur la hutte des rats musqués. Après quoi, la traversée de l'étroite bande marécageuse qui me séparait du sol dur exigea toute mon attention. Dans l'instant même où j'enjambais la clôture du pâturage, j'aperçus le jeune Hartney qui descendait la colline vers moi. J'en ressentis un brusque coup au cœur, une espèce de frayeur qui me fit m'arrêter et l'attendre sur place. Je constatai qu'il portait une vieille veste de chasse boutonnée haut pour se protéger de la pluie, mais n'avait pas d'armes. Dès qu'il fut à portée de voix, il me parla de son ton traînant. « Je suis descendu pour chercher le père. Les poids rentraient à la maison. » Je ne sais quoi me poussait impérieusement à dissimuler. « Pas depuis hier soir. » Il secoua négativement la tête. « La mère m'a dit de venir faire un tour par ici. Peut-être bien qu'il s'est abrité quelque part, vu la pluie. » Je l'observai sans un mot. Il dut remarquer une expression insolite dans mon regard, car il me demanda « Vous l'avez-il vu ?» Je fis un signe affirmatif. « Oui, nous l'avons découvert, » répliquai-je. « Découvert. » Je lui répondis très vite, dans l'espoir de le rassurer. « Il a mis le pied dans un trou de rat musqué, son fusil est parti tout seul et l'a tué. » Il me lança un regard stupéfait. Ses joues devinrent grises de pâleur, mais en même temps une vive lueur bizarre éclaira ses yeux. « Où que c'est donc ?» s'enquit-il. Il partit dans la direction que je lui indiquais. « Une minute, » lui lançai-je. « Il faudrait que nous emmenions quelque chose sur quoi le transporter. » Il réfléchit, parut avoir trouvé. « Viens à la ferme, » me proposa-t-il. Nous gravîmes ensemble la pente du pré et entrâmes dans la cour. Après hésitation, il pénétra dans la resserre à bois. « Doit y avoir là-dedans une vieille porte, » fit-il en scrutant parmi les chutes de bois tendres qui encombraient l'endroit. « Vous croyez que ça fera l'affaire ?» Je fus de cet avis. Le jeune homme me fascinait. Il semblait tellement indécis et velléitaire qu'on avait peine à le croire capable de faire ce qu'il avait fait. Finalement, nous trouvâmes la porte en question et la portâmes, telle une civière, dans la cour de la ferme. Joël aurait probablement continué son chemin jusqu'à l'étang ainsi chargé si je ne lui avais dit « Vous devriez prévenir votre mère. » Il parut balancer. « Elle le saura toujours assez tôt. Il faut la mettre au courant. » Joël Hartney était toute hésitation. « Ma foi, je sais point si c'est si pressé que ça. » Je ne prononçais plus un mot, et finalement, il se rangea à mon avis. « Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'aille tout de suite, » le dira ma mère, admit-il, et il entra dans la maison. Je ne pouvais en croire mes yeux. Ce me semblait impossible qu'il eût fait preuve de tant de fermeté et soit maintenant plein d'intentions si fugitives. Au bout d'un moment, Joël ressortit. « La mère va nous accompagner au marais, » m'annonça-t-il. Nous attendîmes qu'elle fût prête. Effectivement, elle ne tarda pas à passer la porte de la cuisine. Comme la veille, je ressentis à sa vue une impression de vigueur et d'endurance, et ce, avant même d'avoir remarqué qu'elle s'était habillée pour la circonstance. Elle avait mis une salopette, des bottes d'égoutier et le sweater bleu passé que son fils portait l'après-midi précédent. Ainsi s'achève L'affût par Ben Ames Williams.